Tu sais, quand je t'ai rencontré, c'était déjà beau, mais je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. J'ai beau